ngalu job duñu fatilil kan moy awakudu ndjay ak lumu fi def dega na nit ñi di wax parce que xawma na xam ngeen clé USB 97500 moy jënd ki clé USB presque 1 gig presque $250 presque $250 américain ben clé USB ta mom yoyu ay 300 400 la ci jënd waye lima gëna scandaliser du lolu awa ndjay lima gëna scandaliser moy sac à main de luxe si mu jënd 50 sac à main de luxe en cuir nga jëndé sac à main ben sac à main 245000 francs ben sac sénégalais population yi nek ci bandiya bi amuñu essence luñu jëndé gasoil sax amuñu ko ñu nek ci bir ndox mi mbënd mi yow nga nek fi di jënd ay sac à main diko jëndlo sa ministère bi diko fay 50 sac à main en cuir 245000 francs par sac 130 clés USB pour ben ministère. Lolo, lo ci expliqué, lolo amul explication. 1415 tonnes de riz. Nga jende kilogramme de riz bounek 600 francs. Xam nga dafa am yo xamné amul explication. Motax ay joxuñuma rapport bi, joxuñuma ni rapport bi gisuma ko. Lolo ay waxantou la. Dans n'importe quel pays bu non benen dekk mu ngi kasso duguna prison. Di jende ay cuisinière, 14 cuisinière bu nek ëpp 1 million. Awa ndjay lu muy def ma tay la. Awa ndjay nak yagana diko wax bo yobo ngeen xamne boudé 20 ans 25 ans sax dinañ len juger bu ko defé ñun tamit ñu am suñu jom parce que ñun ñoo wara taxaw né li manuñu koy nangu awa ndjay ñun nak le peuple ñun ñoy dé ma wax né nak duñu continuer diko nangu duñu continuer diko sétal chot dana war li nak moy firndel ni crise de valeur mo am suñu politicien manque de principe manque de courage avec des démarches incohérentes bolé ci nak ñak jom ju mat seuk li ma jiko ju bari bu suñu politicien lambo té nak amuñu ci ben kersa rawatina ngor waye nak mënu ñoo bet ndax kat kewelu top dom ji bet li la waji fekkon gor gui di def manam satyal ala rew mi ñew sama parti mo protéger la motax luy jinn ñak waji moy ñak mom muy laqatu di recevoir satyi ci ay audience té mom mo de kon di ñu gëmlo ni dina xex injustice dina xex impunité manam def ak wax lu lo neex dal di jeex ci mim rew waye dak degguko jarna sangu wat xamni ci ay nelaw lañu nek dañuy gënt manam tay mom moy encourage yoy nit ñi nga xamni ñom ñoo chaxaxate wol ala lu rew mi dal di len dalal ci bir partem li nak wutewul ak corruption dara faté sa discours berki de monjay bi ba ngay dalal wa of nak ndax ñewal sama parti ken do la top ci dara échange le te échange fu mu am corruption moko lal kon nak kuy digal sangu day fekk nga set ba nopi mu jot nga wara bayyi xel ci engagement yi nga jëlon devant le peuple sénégalais keur yow di nga taxaw nek le président de tous les sénégalais saxal fi une justice indépendante waye nak une justice à deux vitesses batay mo fi am ana lu dugal ndey xadi gey kasso ana lu dugal carmelo sagna ana lu dugal ndonga jaw ana lu dugal karim wad ak ñeneen ak ñeneen ñuma mënu te lim waw ndax ñoon ñep duggu ak lu leen dugal ndax warna fe mëna bayyi awa kuddu ndjay gañi ku xam wax ma mangok dinna yar lo mi ya